Jeter toutes ces photos, mais ça ne tardera pas. Je viens de me faire larguer par texto. Je ne sais même pas pourquoi. Tu n'es plus là, tu n'es plus là, tu n'es plus là.